Connais-tu le numéro de téléphone d'urgence des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon? Très bien. Ah, il est bien. C'est 110... Attends, mais t'as pas dit non? Non, non. Non. Alors, c'est le 118 100... Moi, je ne dis plus rien. Non, Philippe, tu remarqueras que je suis zen. C'est 218-110. Non, je ne dis rien, je ne dirai rien. Je vais juste lui mettre ma main dans la gueule. Ça fait 42 000 fois que tu la racontes, Maurice. C'est quel numéro? Oh non! Mais non, mais c'est pas possible. 118-218. Voilà. Alors, recommence. Sinon, elle n'est pas alors, drôle. Non, c'est alors, cher Jean-Louis. 118-218. Non, pas 118-218. 118-218. Oui, 218. Non, mais je me rappelais plus des numéros. Oh. Moi, je me souviens de 118. 118. 8-8. Au début, il disait 118-8. Alors, recommence. Alors, connais-tu... Cher Jean-Louis. Oh, ah, bah, c'est Jean-Louis qui est en face de toi. Oui, non, mais mon cher Jean-Louis, connais-tu le numéro d'urgence des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon? Du bassin d'Arcachon. Mais c'était la vieille. De Gaulle avait raison, Philippe. Hein, je le dis à chaque fois, mais la vieillesse est un naufrage. Top chrono. Mon cher Jean-Louis, connais-tu le numéro d'urgence des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon? Non. Alors c'est le 118-218. Bah, voilà. Oh là là.